Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez XCast. Le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Depuis quelque temps, on observe une ouverture des licences que détiennent certains propriétaires d'œuvres médiatiques. Ça veut dire quoi, ouvrir ces licences ? Alors, je vous propose un petit peu de vulgarisation pour démarrer ce podcast, si vous me le permettez. Eh bien, ça veut dire qu'un propriétaire d'une licence qui possède l'exclusivité, les droits de tout, permet à d'autres personnes de faire des trucs avec sa licence, plus ou moins librement. Avant, une licence comme celle de FIFA était destinée qu'à un seul studio, Electronic Arts. Ça veut dire que seul EA pouvait donc l'utiliser et se servait de la marque FIFA comme gage de qualité. Mais avec l'événement des produits dérivés au sens large du terme, une marque seule ne peut pas fournir partout. Elle décide donc, moyennant finance, de prêter une partie de son cahier des charges afin que d'autres profitent de l'aura d'une licence pour espérer faire du blé. Un deal plutôt gagnant-gagnant quand on regarde bien. Et c'est le cas pour Disney avec Star Wars qui laisse Lego, Ubisoft et Quantic Dream concevoir des produits. Le truc, c'est que le risque de faire nawak est assez grand et il est peut-être difficile de contrôler le travail fait par des tiers. Bah oui, imaginez deux minutes qu'on prenne un Star Wars et qu'on fasse un jeu vidéo qui soit bâclé et qui marche pas. Attendez, comment ça je tire sur une ambulance immatriculée 35 et estampillée Ubisoft ? Ben j'oserais pas, d'autant plus que j'ai même pas eu le jeu. Et puis vous savez bien que c'est pas le genre de la maison. Bref, vous imaginez 5 minutes, le sale coup de pelle derrière les oreilles à tonton Mickey. Et dans le fond, on pourrait se demander si c'est vraiment bien d'ouvrir les licences. En tout cas, je pense que des boîtes comme Disney partagent un sentiment commun avec les gamers. La crainte qu'on éclabousse leur licence préférée, et c'est précisément sous cet angle qu'est dirigé cet épisode consacré à Indiana Jones and the Great Circles. Pour ma part, je n'ai rien à reprocher aux 5 films Indiana Jones. Non, non, je vous jure, j'ai mes préférés, hein, mais globalement, je les aime vraiment tous. C'est ma fille de 6 ans qui est possédée par Andy. Elle m'en parle 3 fois par jour, dimanche compris. Comme quoi, Indiana Jones est un jeu de niche réservé au quadra. Non, hein, pas vraiment. Alors oui, tous les deux, on l'attendait cette Indiana, pour plein de raisons différentes. Mais une seule nous réunissait. Quel niveau a atteint Machine Games dans sa fidélité avec Indiana Jones ? Est-il nécessaire de revenir sur Machine Games ? C'est des bêtes de Bethesda spécialisées dans le FPS et surtout dans l'utilisation de l'ID Tech 7, le moteur qui sert entre autres au Wolfenstein, mais aussi à ID Software qui produit les Doom. Et donc vous l'avez compris, l'ID Tech, c'est une machine conçue pour les FPS de l'enfer. De plus, quand on connaît le pedigree et la qualité des croquettes que nous envoient les 150 personnes de Machine Games depuis 2014, on n'a pas trop de quoi baliser, même si pour ma part, leur dernier jeu, Wolfenstein Youngblood, m'a vraiment déçu. Vous connaissez l'adage, la première impression est souvent la meilleure, et je suis persuadé que bon nombre d'entre vous étaient prêts et prêtes à vérifier que Machine Games respecte l'univers d'Indie dans ses moindres détails, chara-design et sound design en tête de liste. Et il faut dire que le studio suédois a pris d'énormes risques car dès la première demi-heure de jeu, on vous propose de revivre les premiers instants du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Alors effectivement, tout y est, même la voix d'Indiana Jones en VF, j'ose même dire quand même qu'on sent la vieillesse derrière la voix de l'acteur français et que le mixage des voix n'est pas vraiment bon par moment. Celle d'Indiana est souvent trop forte par rapport aux autres. Bon ok, je pinaille, je préfère ça à n'importe quoi d'autre quand même. Et puis de toute façon, s'ils avaient fait autre chose, je crois qu'on les aurait tous déglingués. Bon en tout cas, ma fille a bien reconnu sa voix, les visages des acteurs et fait le lien avec le film. Mais pour moi, le son de cloche était différent. Thank you. Dans cette scène d'introduction, Machine Game nous adresse le message suivant. Salut les gens, bon bah voilà, on a fait un jeu Indiana Jones, voilà ce qu'on retient de la licence. Bon franchement, on a tout retourné, on peut pas faire mieux. Bon bah si ça vous plaît pas, inutile d'aller plus loin, hein. Alors merci et puis éclatez-vous bien. Bon, en effet, ils auraient pu démarrer le jeu directement dans l'université et jusqu'à vos premiers pas au Vatican. Pourquoi ? Bah parce qu'il se passe pas grand-chose niveau gameplay. Et en toute objectivité, tout ce passage est suffisant pour servir de tuto. Mais non, ils l'ont quand même intégré directement dans cette revisite du film afin de prouver aux joueurs que oui, on a complètement tout bien fait tout comme il faut. Et bien sûr, il fallait que la musique soit à la hauteur de celle de John Williams, que ma fille puisse chanter pendant que j'esquinte la mâchoire des nazis. Et pour amplifier cette immersion, Machine Games a fait appel à Gory Abe, un compositeur récompensé d'innombrables fois et spécialisé dans l'univers de Williams, puisqu'il a composé l'OST des derniers Star Wars d'Electronic Arts et puis aussi les musiques d'Halo Wars 2. Inutile donc de vous dire que le son nous catapulte encore mieux dans l'univers. Ma fille étant trop jeune pour jouer, elle se poste gentiment à côté de moi, observe, commente et me dirige. Parce que oui, Indiana Jones est un jeu open space, c'est-à-dire ni un monde ouvert ni un jeu couloir. On voit tout et rien en même temps. Car le jeu regorge de cachettes, d'itinéraires bis, de portes closes à déverrouiller plus tard. Selon les voies empruntées, on a un vrai sentiment d'égarement. Il m'est arrivé plusieurs fois de me dire « Ok, je sais pas trop où je vais, je suis pas sûr d'être dans la bonne direction, bon on verra bien ». Et pour le moment, à chaque fois, je suis arrivé au bon endroit et cette expérience me donne déjà l'envie d'un second tour de jeu pour voir les autres possibilités. J'ai vu et lu des comparaisons avec Dishonored, mais on est quand même super loin d'un jeu immersive sim. Ici, le but est d'apporter un autre gage de fidélité sur la franchise. Notre personnage est d'abord un archéologue, un professeur d'université, et ce qu'il aime, et ça je vous le donne en mille, c'est l'exploration. Et qui dit exploration en jeu vidéo dit... loot. Alors ce qui est amusant, c'est que les objets à récupérer sont en quantité raisonnable et se divisent en trois groupes. On y trouve de quoi se faire une santé, des armes en grande majorité et des babioles pour le lore. Bon, rien de bien original me direz-vous, mais c'est surtout comment ils sont amenés aux joueurs qui changent nos habitudes avec Machine Games. Nos bien-aimés nazis et autres fascistes ne laissent quasiment tomber aucun objet. Tout est récupéré dans le décor et là où le studio a encore brillé, c'est que notre indie est un débrouillard et sait improviser. Rien de tel qu'un balai, une guitare, une pelle ou encore une tapette à mouche pour déglinguer ses ennemis. Ouais, même la touche sympathique et humoristique est là pour le plus grand plaisir de ma fille qui se lève et frappe dans le vide en criant « Blam, prends ça le moche !» Encore une fois, le respect est total avec la franchise. Les bagarres se font essentiellement au corps à corps ou par surprise. Les armes à feu sont anecdotiques, elles sont extrêmement limitées en munitions et surtout, elles cassent si on choisit de s'en servir comme une matraque. La vraie bonne arme à distance, c'est le fouet. Et pour moi, le parti pris de Machine Games était une vraie interrogation. Les combats mano-mano nous gâcheront-ils l'expérience ? Eh bien non, pas du tout. On évalue facilement la bonne distance pour frapper l'ennemi, les coups donnés dans le vide sont rarissimes et les différentes possibilités qu'offre le fouet sur les ennemis comme les faire tomber ou les désarmer sont particulièrement bien rendues et suffisamment compliquées sans être inaccessibles. Je soupçonne quand même Machine Games d'avoir opté pour la vue à la première personne à cause du design des combats qui aurait été absolument indigeste en TPS. Ce dernier point rejoint et caractérise le level design. Il est plausible et complètement raccord avec la licence, contrairement à un Tomb Raider ou un Uncharted. on n'a pas cette impression d'empilement de l'ego dans la progression. Vous savez, phase d'escalade, suivie d'une phase de shoot, puis une phase de contemplation, puis une re-phase de shoot, et enfin une re-phase d'escalade, etc. En effet, ici, tout est là dès le départ. Les ennemis sont postés au point clé, puisque narrativement, eh ben, vous faites la course aux artefacts avec eux. C'est une force et à la fois une faiblesse. Tout dépend de notre façon d'aborder le jeu vidéo. D'abord, les zones sont, je vous le rappelle, limitées mais suffisamment vastes pour permettre toutes sortes de choses. Bien. Et si les combats sont une pierre angulaire du jeu, certains endroits sont donc complètement vides d'ennemis et peuvent nous faire décrocher, entre guillemets, du jeu, notamment sur le site de fouille de Gizeh. Mais si vous apportez un œil plus axé, il faut que le rendu du jeu soit plausible, alors le choix des développeurs fait sens. J'emploie le mot plausible à la place de réaliste car même si le jeu est absolument somptueux sur Series X, il y a une patte propre à Machine Games, tant au niveau des graphismes que des animations. Cette patte qui nous permet de dessiner une limite entre le plausible et le réaliste. Des petites choses assimilables à des imperfections par certains professionnels de la quête de la perfection. Bon, spoiler, la perfection est un mythe. Machine Games confirme donc son sérieux quant au respect du cahier des charges qu'il s'impose. Et cela est d'autant plus flagrant quand il s'agit d'importer une œuvre cinématographique légendaire sans retomber dans le piège de la copie partielle des monuments vidéoludiques tels que Tomb Raider. C'est une autre façon d'aborder un jeu blockbuster d'aventure, un pari pas gagné d'avance selon moi, mais qui manette en main fonctionne incroyablement bien. Et je n'ai pas peur de dire que l'exploitation de la licence Indiana Jones pourrait faire sérieusement de l'ombre à certaines franchises. Et vis-à-vis de la franchise elle-même, eh bien pour moi le pari est largement gagné puisque absolument tout ce qui fait un Indiana Jones, et plus particulièrement dans les trois premiers opus, se trouve dans cette production. Le jeu s'intègre incroyablement bien dans l'espace entre les aventuriers de l'Arche perdue et le Temple maudit. Machine Games est allé jusqu'à respecter les angles de caméra, le rythme des films, et il faut reconnaître que le travail d'acteur de Troy Baker, qui a su reproduire la perfection, toute la gestuelle et les gimmicks d'Harrison Ford, et qui n'a pas manqué, lors de sa venue au Game Awards 2024, de remercier Troy pour sa prestation. Voilà, c'était mon avis sur Indiana Jones et le Great Circle. Maintenant, c'est à vous de jouer et à bientôt pour une prochaine émission. Salut !